Let's go! Dimanche soir, minuit, 1h, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Are you ready? Let's go! Are you ready? Et c'est parti comme chaque dimanche soir, passez une bonne soirée, bienvenue Case, comment va? Salut, tout va bien. Tout va bien? Oui, oui. En pleine forme? Eh oui. Mine de rien, on approche petit à petit de la sortie du projet. C'est ça. Et chaque dimanche, des surprises. Des surprises. Des invités. C'est ça. Tu nous présentes celui qui est à tes côtés? Ce soir, on a l'honneur d'accueillir Kamel l'Ancien. Kamel Lance, tu veux dire? Kamel Lance. Salut les mecs. Ça va quoi? Ça va en forme? Oui, ça va. Ça fait plaisir de te revoir. Un plaisir partagé, surtout sur le projet de DJ Case, ça fait... longtemps que les gens attendaient une collaboration. Et donc il y aura donc une collaboration. On mettra le morceau. Bien sûr. Ce soir on va mettre le morceau. Ah oui, obligé. Bien sûr. C'est un morceau qui s'appelle La route du bled. La route du bled qu'on pourra découvrir là d'ici quelques minutes. Et ben on y va, coup d'envoi. Ah oui, on y va. Allez, c'est parti. Première session de mix. Let's go. Dimanche soir, minuit, 1h, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. C'est DJ Case, on se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. Gaïna Samet, l'artiste sur Skyrock. Cambré comme un 2,5. Victoria Secret. Le Bouddha mes amis. T'as un style et laissé. Quand tu m'envoies tes photos, je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos. Rame toutes les tigresses. Fais pas ta Beyoncé. Non. J'ai pas le compte ta carte. Non. Tu vas finir penser. Non. Je ne dure pas qu'un quart d'heure. Non. J'aime quand tu danses la Zumba. Non. J'ai arrêté de ça au polo. Mais mon pote y'a Rumba. Parce que t'es une Horoto. Le ramadan est fini. Tu peux refaire ta folle. J'ai mis les garanties et les bouteilles d'alcool. J'te fais un jean, fais les plats. Mais ma chérie, faut le remplir. Si ton corda fait les pas, paranoïa, je vais sortir. Au pire, il me reste mes mains. Et les photos de Rihanna. Quelques rouleaux sont pas là. Je suis à Punta Cana. Oliva, tu es sur Skyrock. Oliva, tu es. Gaïna Samet dans les bacs, le 23 juin et Deux Guay. Deux Guay. Attention. Chronoto de clichés. T'aimes trop faire la fête. Paris c'est pas Miami. Tu crois mettre des disquettes. Quand tu m'envoies tes photos. Je vois un mec pas balèze. Toi et tous tes potos. Je t'ai vu d'une falaise. Je ferai ma Beyoncé. Mais sûrement pas avec toi. T'es bon qu'à Beyoncé. Faut que tu trouves un emploi. T'as pas ramené tes chaussettes. Sous ta paire de sandales. Le swag d'un Romain Michel. Tiens je te passe 100 balles. Le ramadan arrive. Tu vas refaire le mytho. Prends pour un Qatari. Et

si t'arrêtes de rapper. En vrai c'est un mal pour un bien. Les rappeurs sont comme les chanteurs de zouk, toujours à chialer pour un rien. Hein, si Anna c'est Qatar, je veux la maille du Qatar. Si tu veux graille, arrive à l'heure, sinon on prendra ta part. Mes Arbi sont tous al, cette année je viens tout graille. Histoire de finir mes jours dans une villa à Dubaï. Skyrock, Rai Suprême. Cette année je vais être tort tout comme le drapeau algérien. Allez, laissez-moi de toi. Ah bon, c'est comme ça. Mais Aïni 113, Daliane. C'est bon. Écoute. Minuit, une heure. Minuit, une heure. C'est Rai Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Californie, on fumait 350 PNJ sur les bords de la corniche. Hapchini, merli, j'ai rien à perdre. Rien qu'à le malade mental, plus connu que le head, je m'en bats. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme Jeb Hesney, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, riposte, nous lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, je l'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibéni, je vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yarma, lève-toi et danse. Ça fait plaisir. Et un babour, et un bon amour. Rejoignez mal la misère. Il taillit toujours les mains. C'est bon. Mon rabis, mon garçon. Il est riche, ça fait longtemps. Et bien, il sait ce que je suis. Parce que ma vie est jolie nuit. Et un babour, et un bon amour. Rejoignez mal la misère. Et va flotter seul, Brésil, l'Occidental. شعبية الحارة قطعت بحور زمان يدور والغربة قد تعلم إن بكي نبكي وأقول على شعبية الحارة بركانية العالي من اللي توحداني غلبوا براني كندير أنا فكرت بنادي وعيد النادي سهر ربي مهدى أنا بركانية العالي من اللي توحداني غلبوا براني كندير أنا فكرت بنادي وعيد النادي سهر ربي مهدى أنا DJ Case. We'll be right back.

est marocaine, sait s'habiller. Personne ne peut l'intimider. Elle a le caractère et les hommes l'aiment. Impossible de la draguer. Elle a la taille pour bronzer. Type méditerranée. Oh, beauté marocaine. Toute belle au naturel, toute belle au naturel. Oh, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines, beauté marocaine. Oh, beauté marocaine, beauté marocaine. Toute belle au naturel, toute belle au naturel. Oh, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines. Ou fesses, beauté marocaine est une princesse du nord, sud, est à l'ouest. Dans tous les mariages, elle rend fou les hommes. Danse comme une vraie déesse. Elle a la taille pour bronzer, type méditerranée. Oh, beauté marocaine, beauté marocaine. Toute belle au naturel, toute belle au naturel. Oh, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines, beauté marocaine. Oh, beauté marocaine, beauté marocaine. Toute belle au naturel, toute belle au naturel. Oh, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines. DJ Kaze au contrôle, Kamel Lance est là aussi. On dit quoi alors, Kamel Lance, Kamel l'ancien, puisque tu disais tout à l'heure que tu es revenu aux sources, il faut t'appeler comment maintenant alors? Bah les deux, comme on m'appelle depuis tout le temps en fait. Des fois j'ai des gens, ils m'appellent Kamel Lance, d'autres qui m'appellent Kamel l'ancien, d'autres qui m'appellent Kamel tout court. Tout court donc, ouais. Voilà. Mais bon, moi ce que je préfère c'est Kamel l'ancien, parce que c'est vrai que c'est mon surnom. Bah c'est depuis, toi. Depuis belle lurette, ouais. Et puis voilà. Kamel l'ancien, le fameux Chiki. Voilà. Chiki bra. Chiki bra. Avec nous et Kaze, on a entendu le morceau, tu le remettras aussi avant bien la mission, la route du Bled. Ben oui. Gros morceau qui sera présent. Sortie, rappelle-nous la sortie, Kaze. Le 15 juin dans les bacs. 15 juin, donc ça approche d'ici un mois. C'est bien, c'est juste avant l'été, juste avant de prendre la route du Bled. Parfait, c'est le timing idéal, j'ai envie de dire. Parfait. Kaze, je te vois, t'as des dates à annoncer ou je te vois tripoter ton téléphone. Comme d'hab. Alors, le vendredi 22 mai, je suis à la Clé des Champs, discothèque, c'est à Bourg-en-Bresse. Et le samedi 23, c'est au Divino, à Grenoble. Voilà. Donc le 22 à Bourg-en-Bresse, à la Clé des Champs, ça s'appelle, donc grosse discothèque. Et le 23 au Divino, à Grenoble. Bon, la route du Bled, il y aura des images ou pas? Bien sûr. Bah oui, on va en profiter justement. Ouais, parce que sur la route du Bled, ça va filmer quoi. On va le clipper aussi, ça serait bien. Je crois qu'on va aller en vacances et en même temps on va filmer, on va faire un petit exactement petit souvenir. Exactement, j'ai vu là que t'avais tourné avec Mister You, le fameux morceau qui tourne sur Skyrock aussi. On a écouté d'ailleurs tout à l'heure, qui est rentré à la radio d'ailleurs, donc ça fait plaisir. Et donc le clip arrive bientôt. Très bien, on attaque pour une nouvelle session. Allez, c'est parti. Let's go. Are you ready?

même les grand-mères font des selfies. À part ma femme dans la soirée, j'ai pas vu une selfie. J'arrive dans la place, j'appelle sa caisse mixée. Je suis tellement bien sapé, je vois tout le monde me fixer. Je vois des femmes se taper pour des bouteilles de jus. J'aime pas si j'aime pas ça. Y'a tout le monde qui juge. Haha, y'a aussi une qui danse comme une avec mes rap sur la piste, on est tous jounés. Petit pas de danse avec ma femme sur la piste, même si t'es pas invité. Y'a ma baby, y'a Farid qui fout le bordel devant mes yeux. Oh my, je suis marié, mesdames et messieurs. Je vois le daron Nousama qui gratte des cadeaux. Allez, sortez des couteaux, on va couper les gars. Attends. Bon bah, j'espère que l'année prochaine ça sera Fatima et moi. Allez bouge, allez danse. Je profite de ma vie, toujours avec mes potes.

chichos, on a mieux avec Natacha. Ce qu'elle kiffe, c'est les chichos. Avec Aïcha Pandisha. Au contrôle, et c'est déjà la fin de ce Rail Suprême, ça passe vite. Je me suis éclaté, moi, en tout cas. Moi aussi. Kamel, merci Kamel d'être passé. Ça fait plaisir, ce genre d'émission, ça change un petit peu du rap. Du rap game. Le rap. Est... c'est le Rail Game, là. Voilà, là, exactement, là, c'est cool. C'est un peu plus calme, hein, le Rail Game. C'est pas mal aussi, hein, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Les deux, ils sont complémentaires, on va dire. T'as écouté d'ailleurs beaucoup de sons, il y a des trucs français que t'as aimé, Kamel, ces derniers temps, toi? Ou t'as décroché, ou t'es plutôt plongé sur ton album? Moi je suis pas ce genre de rappeur qui dit que j'écoute pas les autres alors que c'est les premiers qui écoutent. Dès qu'il y a un son qui sort, ouais. J'écoute Jules, j'aime bien. J'aime bien sa petite touche Marseille. Ça me rappelle aussi à l'ancienne quand les Marseillais faisaient un peu la différence avec leurs morceaux. J'aime beaucoup cet artiste. J'ai écouté le dernier album de Booba. J'ai bien aimé le feat avec Lino. Ouais. Je trouve que Lino a mis la barre très haute. Mais sinon, sur l'album de Booba, je trouve que on en a beaucoup trop parlé un peu pour pas pour rien, je vais dire, ça se fait pas, mais c'est pas ce que j'attendais. Pourtant, son album, je l'attendais vraiment, mais c'est pas ce que j'attendais. Plus dans la facilité, quoi. Peut-être. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Et en plus, comme il avait déjà balancé plusieurs titres avant l'album, donc il n'y a pas eu une grosse découverte. Mais j'ai bien aimé le feat avec Lino. En parlant de Lino, j'ai bien aimé son dernier album. Ouais. Je trouve que le gars, il a fait. Il y a un super album, ouais. Ouais, il a fait du très très bon boulot, franchement. Bon, bah, on attend ton album maintenant au mois de septembre. Mon album au mois de septembre qui s'appelle Le cœur ne ment pas. Le cœur ne ment pas. 15 titres, aucun featuring. Voilà. Bon, Kamel l'ancien, comme on aime. Exactement. Avec quand même un ton année 2015, hein. Voilà, c'est pas, voilà. Ça sera pas non plus de. Non, c'est new. Mais il y aura pas mal de morceaux qui vont faire parler d'eux, je pense. Et puis d'ici là, pour se mettre bien, la route du bled sur le projet Case. On a vu les messages défiler, les gens le 15 juin dans les bacs, plaisir, c'est ça. Merci Case, merci Kamel l'ancien, ouais, d'être passé. Merci pour tous les messages là, ça pour où est-ce qu'on peut te suivre? T'es toujours sur les réseaux sociaux? Toujours sur les réseaux sociaux. Ma page fan sur Facebook, c'est Kamel Lance. Donc c'est là que tout se passe, c'est moi qui la gère la page. Il y a d'autres réseaux sociaux comme mon Twitter, un peu tout quoi. Et ben on ira guetter, voilà. Kamel l'ancien, la sortie au mois de septembre. Et d'ici merci là beaucoup. Sur le projet DJ Case. Case, bah oui. Car semaine pro. Semaine pro, ouais. D'autres surprises en attendant la sortie de l'album le 15 juin. Donc on fait péter des petites exclus, on fait kiffer les gens. Il y a plus d'une trentaine de titres dans le projet. Donc on peut faire déguster une bonne moitié déjà. Donc c'est le 15 juin, pas loupé. Merci à vous tous, passez une bonne soirée sur Skyrock. Le merci à toi, Fred. Ciao. Du rap et du R&B non-stop. Skyrock, rap et R&B non-stop.